Déviation de l'axe terrestre, la Terre dans un étau, le déplacement de l'écorce terrestre, exigerait des forces qui n'existent pas au sein du globe, et une variation de la direction de son axe en nécessiterait de plus puissantes encore. Mais il va de soi que l'un n'empêche pas l'autre, les deux entraîneraient un bouleversement des climats. Si l'écorce bougeait, les latitudes suivraient aussi, les pôles et l'équateur iraient jusqu'à échanger leurs positions réciproques. Si l'axe s'inclinait vers un autre zénith, les saisons modifieraient leur ordre et leur intensité. Pendant une partie de l'année, l'une des régions polaires pourrait devenir le plus chaud de la Terre, puisqu'elle serait soumise jour et nuit aux rayons directs du Soleil, comme c'est le cas actuellement pour Uranus. Dans son ouvrage sur la Terre, Harold Jeffrey demande « Une inclinaison de l'axe terrestre sur le plan de l'orbite a-t-il jamais varié ?» Et il ajoute « La réponse à la question est un oui sans équivoque. La théorie de la friction des marées exige que l'équateur et le plan des orbites terrestres et lunaires coïncident. Or, ils ne coïncident pas. On pense que notre satellite a été extirpé de la région équatoriale terrestre par arrachement, en conséquence, il devrait accomplir sa révolution dans le plan de notre équateur, mais comme ce n'est pas le cas, il faut qu'il y ait eu un déplacement, soit de l'axe terrestre soit de la Lune, la place de celle-ci près du plan de l'écliptique, donne à penser que c'est lui qui l'a subi. De même, si dès le début il y avait eu une différence entre les directions des axes de rotation terrestre et de révolution lunaire, l'effet de marée aurait eu pour résultat de la faire disparaître. Jeffrey appréciait à leur juste valeur, les travaux de George Darwin, qui tentait d'expliquer les positions observées en recourant à plusieurs frictions additionnelles d'un autre ordre. À son avis, cette hypothèse présentait un défaut et il déclara, « Ce moment angulaire de l'axe terrestre ne peut changer de direction que sous l'influence de couples agissant hors de la Terre. Par conséquent, toutes les modifications internes seraient sans importance et n'auraient aucun rapport avec les variations de l'axe observé. Les arguments des astronomes contre celles des géologues étaient acceptables uniquement parce qu'il démontrait l'incapacité des agents terrestres à y parvenir, or le fait même du déplacement, s'appuie désormais sur des considérations astronomiques de Jeffrey. Quel agent a pu jouer le rôle d'un étau ou d'un frein externe? Et, encore une fois, est-ce l'effet d'une évolution graduelle ou d'un brusque déplacement? Évaporation des océans, sachant que la superficie recouverte par la glace pendant la période glaciaire était beaucoup plus vaste que celle des zones arctiques ou antarctiques, à lui seul le déplacement des pôles ne peut expliquer l'origine de la calotte, dont on connaît assez bien les différents stades d'expansion, son épaisseur se situait entre 2 et 4 km, chiffre qui permet d'obtenir son volume. Le niveau des mers qui ont dû fournir l'eau nécessaire à sa production, baissa alors d'au moins 90 mètres. Certains doublent ce chiffre, le triple, le quadruple et même le multiplient par 7. Mais pour que tous les océans se soient évaporés dans de telles proportions, transformant le plateau continental en un désert de sable et de coquilles, il a fallu une phénoménale élévation de température. John Tyndall, physicien britannique du siècle dernier, écrit, d'éminentes personnalités ont pensé, quelques-unes pensent encore, que la réduction de la température pendant la période glaciaire était due à une diminution temporaire de la radiation solaire. D'autres ont estimé que dans son mouvement à travers l'espace, notre système est passé par des cimes extrêmement froides, et que beaucoup de glaciers anciens se sont ainsi transformés. Toutes semblent avoir négligé le fait que leur formidable extension démontre avec autant de rigueur l'action de la chaleur que celle du froid, qui, seul, n'aurait pu les produire. Cherchant à évaluer l'énergie thermique nécessaire au transport de sous forme de neige jusqu'aux régions polaires, il calcula qu'il fallait en dépenser autant pour chaque livre de vapeur produite que pour amener 5 livres de fonte au point de fusion. Autrement dit, il aurait fallu une chaleur capable d'élever à plus de 1200 degrés, une masse de fonte 5 fois plus grande que celle de glace. Tyndall incitait les géologues à substituer mentalement la fonte à la glace, pour qu'ils aient une idée de la température élevée, qui a précédé la glaciation, et participé à la formation de la calotte. S'il en fut ainsi, aucune des théories sur la période glaciaire ne parvient à son but. Même si le soleil disparaissait, obligeant la Terre à dissiper sa chaleur dans l'espace, toutes les eaux salées et douces gèleraient, mais il ne se formerait pas de glace sur les terrains émergés. L'importance de la chaleur fut mieux mise en relief par l'astronome Menzel de l'Observatoire d'Harvard. Si la variabilité solaire est vraiment responsable des périodes glaciaires, je préfère penser qu'elles ont été produites par une augmentation de chaleur, et qu'un refroidissement en arrêta le développement. Qu'est-ce qui a pu porter tous les océans à ébullition, jusqu'à en évaporer une grande partie, et à faire baisser leur niveau, non pas d'un mètre mais de plus de 100? Cela aurait-il résulté de la décomposition des matières organiques contenues dans les sédiments? Il va sans dire que cela n'aurait jamais suffi. Or, un échauffement extraordinaire dut précéder la formation de la couverture glaciaire et, comme il est généralement admis, qu'il y eut vers la fin du tertiaire et le début du quaternaire au moins 4 glaciations pendant lesquelles la glace se forma et se retira à l'occasion de chaque période interglaciaire, il faut que le globe ait connu à une époque géologique récente une élévation de température, telle que la part reçue par l'océan aurait suffi. apporter au blanc et à faire fondre une énorme masse de fonte, équivalente à 5 fois celle de la calotte glaciaire. Les circonstances au cours desquelles la Terre aurait connu un pareil échauffement sont-elles des sables? D'après ce que nous venons de voir, il faut admettre que le globe et ses mers ont été chauffés comme dans un haut fourneau, lorsque l'homme était déjà sur Terre, puisque les temps glaciaires et la période suivante, dite récente, ont assisté à la naissance et à l'épanouissement de l'humanité. Les laves ont dû bouillonner au fond des océans. Mais alors, quel est l'agent responsable de cette activité thermique souterraine, qui s'est manifestée simultanément sur d'aussi vastes surfaces? Nous ne pouvons en imaginer aucun, qui ne soit extérieur à la Terre. Seul un agent étranger a pu déplacer les pôles ou dévier l'axe. En conséquence, c'est dans l'univers que les partisans des périodes glaciaires doivent chercher les causes d'au moins 4 rencontres avec un champ de force ou un corps céleste. La Terre et son atmosphère auraient pu s'échauffer soit à leur approche, soit en rencontrant un amas globulaire ou une nuée de météorites. Sous cet impact, un déplacement des pôles ou un dérangement de la rotation axiale aurait aussi produit de la chaleur sur tous les points du globe, par conversion d'une partie de son énergie motrice. C'est théoriquement acceptable, mais ce n'est pas la seule possibilité. En pénétrant dans un nuage de poussière électromagnétique, la Terre aurait été le siège de courants électriques superficiels entraînant un effet thermique proportionnel à la charge du champ traversé. Préférant les terrains très conducteurs, ces courants auraient suivi les couches métallifères occupant peut-être les zones relativement profondes de l'écorce, épargnant ainsi la vie en certaines régions et en la détruisant ailleurs. L'élévation de température envisagée aurait pu évaporer une partie des océans, introduire des rochinets dans des roches sédimentaires, faire jaillir le magma des fissures, et rendre actifs tous les volcans. Le globe est lui-même un gigantesque aimant. Un nuage de poussière ou de gaz chargé électriquement serait comparable à un électro-aimant. Un champ électromagnétique extérieur créerait à la surface de la Terre un phénomène calorifique, déplacerait son axe et ferait aussi varier sa vitesse de rotation. À leur tour, ces modifications renforceraient l'effet thermique amorcé, puisque l'énergie cinétique serait convertie en chaleur et réapparaîtrait probablement sous d'autres formes, électriques, magnétiques, chimiques ainsi que nucléaires, car la radioactivité qui en résulterait aurait également un effet thermique. Un freinage extérieur, mécanique ou électromagnétique, occasionnerait le déplacement astronomique ou géographique de l'axe et le réchauffement du globe, deux conditions nécessaires et préalables à toute glaciation. Il serait donc logique que les adversaires du catastrophisme s'opposent aussi aux théories des périodes glaciaires. Condensation dans les pages précédentes, nous avons préalablement établi que la formation de la calotte polaire à l'époque glaciaire résultait d'une importante évaporation des océans, mais celle-ci n'aurait pas suffi si elle n'avait pas été suivie d'une condensation rapide et totale des vapeurs produites. Il a fallu un condensateur extrêmement puissant pour les refroidir au point de les empêcher de retomber en pluie. Sur Terre W. Une suite d'événements extraordinaires fut donc nécessaire, d'abord la volatilisation partielle des mers, puis une nouvelle liquéfaction, arrêt de la surfusion, enfin accumulation de neige vite glacée sur des zones jusqu'alors tempérées. Ce processus ne s'est certainement pas éternisé. Agissant comme des écrans, les particules en suspension auraient entraîné une brusque chute de température et une condensation rapide des vapeurs. Une poussière d'origine volcanique ou météorique a pu empêcher la lumière et la chaleur solaire de parvenir jusqu'à la basse atmosphère. On a observé que les substances éjectées, pendant les éruptions volcaniques, stagnent dans l'atmosphère durant plusieurs mois. Après l'explosion du Père-Buatan de l'île de Krakatoa 308 le 25 août 1885 par exemple, des particules suspendues à plus de 20 000 mètres de hauteur, continuèrent pendant toute l'année qui suivit à entourer le globe d'un voile rendant les couchers de soleil extrêmement colorés. 309. La poussière produite par de nombreux volcans, pourrait former un écran capable de s'opposer à la lumière solaire. En fait, l'obscurcissement de la Terre par des nuages volcaniques constitue l'une des théories relatives à l'origine du manteau glacé de certaines époques géologiques. Toutefois, le froid seul, de même que la chaleur seule, n'aurait pas suffi à produire les calottes glaciaires continentales. Créée par l'heure des fronts froids et chauds, la neige tomberait sur diverses contrées, et de véritables déluges se déverseraient ailleurs. Les scientifiques ayant minutieusement prospecté plusieurs pays situés au-delà de l'ancienne calotte, ont conclu qu'ils avaient connu d'interminables pluies torrentielles, tandis que d'autres subissaient une glaciation. En étudiant le continent africain, Gregory se rendit compte que l'action de l'eau, si elle manifestait de façon intense au moment où d'autres régions étaient menacées par l'avance de la glace 310. Il subsiste en plein Sahara des lits de rivières inoccupées actuellement, et qui visiblement ont servi à l'écoulement de grands volumes d'eau. On estime qu'ils ont été creusés pendant une ou plusieurs périodes pluviales, flin. À cette époque, la hauteur des eaux du lac Victoria dépassait de plus de 90 mètres le niveau actuel. Depuis, le système hydrographique de cette partie de l'Afrique a été complètement modifié. 311. Le niveau du lac salé de Chorkul dans le Xinjiang s'est abaissé de 107 mètres. celui du lac Bonneville qui occupait une partie de l'Utah, du Nevada et de l'Idaho, et recueillait les eaux pluviales, ainsi que celles provenant de la fonte des glaciers montagneux, se trouvait à plus de 300 mètres au-dessus du Grand Lac Salé actuel. Pour des raisons théoriques, certains spécialistes préfèrent affirmer que le monde jouissait d'un climat sec, lorsque d'énormes quantités d'eau furent concentrées dans les calottes glaciaires, mais la météorologie appliquée montre qu'il en fut tout autrement, la neige tomba en abondance et, simultanément, des cascades de pluie descendirent du ciel. Une hypothèse de travail. Supposons à titre d'hypothèse de travail que pour une raison inconnue, ou sous l'influence d'un agent quelconque, l'axe terrestre se soit déplacé ou ait été dévié. Que se serait-il passé? Une intense vibration aurait secoué le globe. L'air et l'eau auraient continué à se mouvoir par inertie, des ouragans auraient balayé toute la terre, les mers auraient envahi les continents en y déposant des graviers, du sable et des animaux marins. La chaleur augmentant, les roches auraient fondu, les volcans seraient entrés en éruption, les laves auraient jailli des fissures creusées dans le sol, et elles auraient recouvert la plupart des terres. Les montagnes auraient surgi des plaines, et chevauché d'autres montagnes en créant des failles et des déchirures. Les lacs, basculés, se seraient vidés, les rivières auraient modifié leur lit, d'immenses étendues auraient disparu sous les eaux avec leurs habitants, les forêts auraient brûlé, les ouragans et les mers en furie, auraient arraché les arbres et les auraient empilés en énormes amas de branches et racines mêlées. Les mers, abandonnées par leurs eaux, seraient devenues des déserts. D'autre part, si un ralentissement de la vitesse de rotation habituelle avait accompagné le déplacement de l'axe, l'eau des océans, jusqu'alors retenue à la hauteur des zones équatoriales par la force centrifuge, se serait retirée au pôle, de grandes marées et des ouragans, seraient partis de l'équateur à l'assaut des crêtes himalayennes, auraient pénétré jusqu'au cœur des jungles africaines, emportant rennes et phoques vers les tropiques et les lions du désert en Antarctique. Des blocs de rochers provenant des montagnes éboulées se seraient éparpillés sur de grandes distances, des troupeaux d'animaux auraient été enlevés par le flot aux plaines sibériennes. Le déplacement de l'axe changerait aussi les climats, faisant pousser des coraux à Terre-Neuve, des figuiers dans le nord du Groenland, des forêts luxuriantes en Antarctique. Si un déplacement brutal de l'axe se produisait, de nombreuses espèces et de nombreux genres d'animaux terrestres et marins seraient détruits, les civilisations, à supposer qu'il y en ait, se verraient réduites à néant, ou presque. L'océanique évaporait s'élèverait alors en nuages pour retomber en pluie torrentielle et en neige. Les poussières éjectées par l'ensemble des volcans et soulevées par les tempêtes, ou d'origine extraterrestre, si une traîne de comètes avait causé ce bouleversement, empêcherait les rayons solaires d'atteindre la Terre. La température baisserait au-dessous des nuages, mais près du sol, elle serait supérieure à la normale, car le globe surchauffé disperserait cette chaleur dans l'atmosphère par convection. Abandonnant les cercles arctiques et antarctiques, la glace fondue formerait de grands fleuves. Les glaciers de montagne se liquéfieraient pour inonder les vallées. Sous les hautes latitudes comme dans les zones tempérées, la neige se transformerait en eau, puis, avant d'atteindre le sol, ou immédiatement après, en vapeur. Pendant des mois, voire des années, elle continuerait à fondre en touchant la terre, et retournerait à la mer en formant d'imposants cours d'eau, qui creuseraient des lits nouveaux et charrieraient d'immenses quantités de débris. Tombant sans cesse sur un monde privé de soleil, la neige, protégée des rayons solaires par l'épaisseur des nuages, finirait par geler et ne se transformerait plus en eau mais en glace. Tout d'abord, elle n'adhérerait pas fermement au terrain lui servant de support, les pentes la feraient glisser par divers cheminements vers la mer, celle-ci se verrait remplie d'icebergs errants, qui se heurteraient et libéreraient des pierres et des matières détritiques. D'autres, flottant au-dessus des vallées inondées, s'y débarrasseraient de leur charge. Au cours des années, l'incessante action de la neige refroidirait tellement le sol des hautes latitudes, qu'il se formerait un manteau glaciaire permanent. La Terre continuerait à tressaillir pendant des siècles, pour se calmer peu à peu, et les volcans s'éteindraient les uns après les autres. Ce déplacement catastrophique de l'axe, répété ou non, est une hypothèse de travail. Mais en définitive, tous les effets qu'on pouvait en attendre se sont réellement produits. Si cette hypothèse n'était pas exacte, il faudrait trouver une explication particulière pour chacun des phénomènes mystérieux qui accompagnèrent la fin des périodes géologiques. Les montagnes ont jailli du fond des mers, elles ont subi des plissements et des failles, d'où proviennent les forces colossales qui ont courbé, brisé, écrasé les roches des montagnes? Pourquoi les fonds marins des époques lointaines sont-ils devenus les hauts sommets d'aujourd'hui? Ces questions attendent toujours des réponses satisfaisantes de. Le climat changea et la couche glaciaire continentale prit naissance, la cause de l'extraordinaire couche de glace qui a recouvert les terres est un mystère déconcertant, elle restera une question de première importance pour ceux qui auront à résoudre les énigmes de notre planète. La quasi-totalité de la faune fut détruite, le biologiste est désespéré, quand il constate la disparition de tant d'espèces et de genres à la fin du Pléistocène période glaciaire 314. L.C. Eisley, de Fear Drive and Extinction, of the Terminal Pleistocene Fauna, American Anthropologist, 1946. Enfin, pourquoi des forêts tropicales ont-elles poussé dans les régions polaires? Pourquoi une grande activité volcanique, s'est-elle manifestée autrefois et pourquoi des flots de lave se sont-ils répandus sur les continents et sur les fonds océaniques? Pourquoi les tremblements de terre furent-ils si nombreux et si violents? Nous ne pouvons répondre à ces questions qu'en éprouvant de la perplexité, de la crainte et de l'humilité. Si l'on en croit la pensée uniformiste et évolutionniste, les constatations faites en matière de géologie prouveraient que depuis des temps immémoriaux, et même depuis l'instant où s'est formée notre planète, les infimes modifications occasionnées par le souffle du vent sur les roches, ou les grains de sable roulant vers la mer, ont participé à l'évolution de la nature. Mais cela ne peut expliquer les grands bouleversements tectoniques, et n'inspire aux spécialistes, chacun dans son domaine particulier, que de vaines réflexions. La glace et les marées sachant, que seules des catastrophes à l'échelle planétaire, ont pu entraîner la formation et l'expansion de la calotte glaciaire, nous allons maintenant démontrer que la plupart des effets attribués à la glace sont dus à l'assaut des eaux. La simplicité avec laquelle les cataclysmes cosmiques se prêtent pour expliquer l'origine de la couverture glaciaire ne doit pas abuser notre sens critique. Ce sont les mêmes catastrophes qui ont lancé des marées d'une puissance inouïe à l'attaque des continents. Les deux phénomènes, ondes de translation et manteau glaciaire, vont de pair. 314 L.C. Easley, de Fear Drive and Extinction, of the Terminal Pleistocene Fauna, American Anthropologist, 1946. D'énormes vagues, dues à l'inertie engendrée par le dérèglement de la rotation terrestre, traversèrent les continents. L'océanique se retira de l'équateur, lorsque la Terre se stabilisa. Ces tsunamis, auxquels s'ajoutèrent les raz de marée dus aux champs de force extérieurs, ainsi que des déferlements dus aux séismes sous-marins et aux ouragans, furent les principaux agents qui dispersèrent les blocs erratiques, distribuèrent les sédiments marins sur les terres, et recouvrirent le sol de détritus charriés. Invasion des terres par la mer, pluie torrentielle, prodigieuse chute de neige, inondations causées par la fonte des glaces, icebergs monstrueux à la dérive, tous ces phénomènes contribuèrent à rectifier le relief bouleversé en déplaçant les roches désagrégées, les poussières volcaniques et les cendres météoriques. Les contrées arctiques furent dénudées, leurs couvertures rapportées disparues. L'aride et immense dalle de pierre du bouclier canadien, dont le terreau balayé se déposa ailleurs sous forme d'alluvion, en est le meilleur exemple. Les terrains erratiques, le creusement des lacs, l'ouverture de certaines vallées, et leur engorgement par de l'argile, des roquets du sable, ont été imputés à la glace. Les adversaires de la théorie glaciaire ont signalé l'effet produit par la couverture actuelle de l'Antarctique, elle y joue un rôle protecteur, et non destructif en préservant le sol du pouvoir érosif des éléments, en particulier des vents violents, qui y sévissent pendant la majeure partie de l'année. Pourtant, si elle se déplaçait rapidement, elle pourrait strier la surface rocheuse, ronger et tailler en auge les pentes des vallées grâce aux pierres accrochées à ses flancs, mais il est douteux que son poids suffise à creuser des cuvettes dans une terre froide et résistante. Il sortit du sol chauffé à outrance des flots de magma incandescent, les formations géologiques primitives perdirent leur consistance et les océans, déversant l'eau et les pierres sur la roche et la lave, les marquèrent profondément. Aussitôt après la constitution de la calotte glaciaire haute comme des montagnes, un nouveau spasme de la terre fit jaillir la lave sous la glace, qui, ayant fondu, se condensa à nouveau et pesa lourdement sur le sol amolli. C'est aussi de cette façon qu'elle réussit à le défoncer aux emplacements des futurs lacs, et à marquer profondément les terres qu'elle avait précédemment recouvertes. Avant que soit conçue la théorie des périodes glaciaires, les dépôts dérivés et les blocs erratiques étaient imputés à l'action de vagues gigantesques mais, dès sa divulgation, leur rôle fut contesté. On pensait, écrit Gijecki, que de puissants racks de marée s'étaient rués sur les continents, avaient franchi irrésistiblement les montagnes comme les vallées, en entraînant d'énormes quantités de roches, de pierres et de débris. Cette thèse supposait cependant l'existence préalable d'un agent que les conditions naturelles ne semblent guère indiquer. Un adversaire récent de la théorie, Sir Henry Ashworth, cherchait l'origine de ces rats de marée dans la brusque érection de massifs montagneux, ou dans un séisme consécutif à l'effondrement des fonds océaniques. Comme nous l'avons vu, une perturbation de la rotation du globe a pu provoquer les transgressions marines et concourir à la formation de la couverture glaciaire sur les continents. Elle a dû remodeler le profil de l'écorce terrestre en la surélevant ça et là et en nivelant les montagnes. Cela donna souvent lieu à d'extraordinaires résultats. À titre d'exemple, citons la description, ancienne mais non périmée, du territoire comprenant le Maine, le Michigan et le New Jersey, donnée par Whitney, professeur de géologie à Harvard. Dans son ouvrage sur les changements climatiques des époques récentes, il disait en parlant de cette région, les phénomènes de glaciation y montrent le plus haut degré de complexité. Nous sommes très embarrassés quand il s'agit de résoudre le problème posé par la dérive vers le nord du nord-est des États-Unis. Extrême variété du sens des striations, preuve de l'existence d'une ancienne mer sur une grande partie de cette terre, et de marais lacustres sur d'autres étendues non moins considérables, énormes accumulations de matériel détritique incontestablement déposées par l'eau, curieuse présence en divers lieux de blocs erratiques, dont le transport ne saurait être assimilé à ce que la glace accomplit aujourd'hui sous nos yeux, dépôts de gravier. de sable et de pierre alignés d'une manière qui rappelle de près celle des moraines scandinaves, ou aux Arves, preuve de la prédominance de conditions climatiques rigoureuses pendant la période glaciaire dans les Yonne où l'on constate les apports de matières dérivées, tandis que dans d'autres régnait un climat plus chaud que celui dont nous jouissons actuellement. Telles sont quelques-unes des difficultés que doivent affronter ceux qui entreprennent d'étudier la dérive vers le nord du nord-est américain. Ces phénomènes énigmatiques s'expliqueraient à la rigueur par la succession de périodes chaudes intermédiaires, par la déformation de l'écorce, et aussi par la submersion des terres, qui a suivi la fonte du manteau glaciaire, mais ce n'est pas toujours possible. Par exemple, à Holderness, dans le Yorkshire, on trouve des os de phoque et de morse avec des mollusques d'eau douce originaires de climats chauds. Malgré l'anomalie de ces éléments, le dépôt est classé comme interglaciaire. On rencontre aussi dans des couches similaires, sur le territoire de ce même comté, des restes d'hippopotames. Des déductions sur la couverture glaciaire sont issues de l'observation des glaciers alpins. Cependant, ils obligent les pierres à descendre le long des pentes, et ne leur font pas prendre le chemin inverse. Aussi, cette question vient-elle à l'esprit, la glace pourrait-elle hisser des matériaux jusqu'en haut des montagnes? On rencontre très souvent des blocs erratiques en des lieux où, de toute évidence, elle ne les a pas transportés. Au cours de ses voyages, Charles Darwin apprit qu'il y en avait aux Açores, île très distante de la calotte glaciaire. Cumming en a signalé près du principal sommet de l'île de Man, en mer d'Irlande, seuls des wagons pu les y apporter. Au Labrador, on voit des blocs enfoncés dans le flanc des falaises, seul un raz de marée a pu les y placer. Nous avons déjà dit qu'en Inde, à une époque glaciaire plus ancienne, des débris et des blocs avaient été transportés non pas depuis la terre en direction de la mer, mais au contraire vers l'intérieur du pays, jusque sur l'Himalaya, et, à partir des basses latitudes, mais pas en sens inverse, ce qui eût été plus normal. Les baleines fichées sur les hauteurs du Vermont et du Québec, y ont été drossées par une irruption de l'océan. La profusion des blocs erratiques répandus autour du globe, couvrant parfois d'immenses superficies, pose le problème de leur origine. Qu'ils aient été déplacés par la glace ou par les marées, ils ont dû être arrachés en grand nombre aux montagnes à une époque où ces deux éléments entrèrent en action. Secoués par les tremblements de terre, les massifs montagneux ont dû s'échauffer et se fendre, sans doute furent-ils aussi bousculés, tordus et déchiquetés lorsque les mers, débordèrent et précipitèrent leurs vagues sur les sommets rougis par le feu. Inversion des pôles magnétiques, lorsque la roche est liquéfiée, elle n'a aucune susceptibilité magnétique, mais refroidie à environ 580 degrés, point de Curie, elle acquiert un magnétisme, dont le sens dépend du champ terrestre, qu'elle conserve une fois refroidie. Elle le retiendrait, même si elle était déplacée ou si l'orientation magnétique de la Terre était modifiée. Il y a surtout le globe des formations rocheuses présentant un renversement de polarité. Nous avons maintenant assez d'expérience pour donner la seule explication plausible à cette magnétisation inverse, le sens du champ magnétique terrestre, était déjà contraire à l'époque où les roches ont été formées. Par ailleurs, on admet qu'aucun effet local connu, mécanique ou électromagnétique, ne peut causer une telle inversion sur une aussi grande échelle. Plus étonnant encore, les roches dont la polarité est inversée, sont bien plus fortement magnétisées, que ne peut le faire le champ terrestre. Lorsqu'elles atteignent 580 degrés au cours de leur refroidissement, les laves ou les roches ignées soumises à un flux d'induction, conservent une charge plus forte que celle qu'elles acquéraient dans le même champ magnétique à la température ordinaire, mais la valeur de cette différence ne dépasse pas le double. Or le magnétisme rémanent de ces roches est 10, voire 100 fois supérieur à celui que le champ terrestre aurait pu leur communiquer. C'est l'un des plus étonnants problèmes posés par le paléomagnétisme, non encore résolu bien que les faits soient établis. Nous nous trouvons donc devant une énigme de plus en plus dense. La cause de l'inversion du champ magnétique dans les roches, est inconnue et le phénomène contredit, toutes les théories cosmologiques. De plus, le magnétisme rémanent des roches à polarité inversée est extraordinaire. Ensuite, il faut savoir qu'une déviation éventuelle de l'axe sous l'influence d'un champ magnétique extérieur, aurait pour conséquence de générer à la surface de la Terre des courants dits de Foucault, qui produiraient à leur tour un champ magnétique opposé. La force du champ créé par ces contre-courants dépendrait de la valeur du champ extérieur, et de la vitesse de rotation du globe. Les couches, soumises à l'effet Joule résultant, se liquéfieraient. Le phénomène s'accompagnerait d'une recrudescence de l'activité volcanique, et de l'intrusion de matière ignée dans les sédiments superficiels. Les roches fondues acquéraient leur état magnétique définitif en atteignant le point de Curie, puis, redescendues au-dessous de cette température, elles conserveraient l'orientation du champ magnétique prédominant. Il est évident qu'un champ extérieur, capable de déplacer l'axe terrestre en peu de temps, devrait être extrêmement puissant. Nous avons donc les trois conséquences escomptées, il y eut des écoulements de lave, et les roches ignées formèrent entre autres des diques, les roches chauffées acquirent une orientation magnétique inversée, enfin l'intensité de leur magnétisation, est plus forte que celle qui pourrait être produite par le champ terrestre. Ces constatations recoupent les idées formulées dans les sections précédentes, et prouvent qu'elles n'étaient pas dénuées de fondement. NDT, filon de roche ignée qui remplit des crevasses. Escarincorn, des arts magnétisme, scientifique américaine, septembre 1955. Dans un récent article de Escarincorn, Université de Cambridge, on peut lire que les pôles géomagnétiques nord et sud ont inversé leur position plusieurs fois. Le champ s'interrompait soudainement et se reformait avec une polarité opposée. Les faits prouvent de plus en plus que la Terre a fréquemment inversé son champ, les changements notables de sa vitesse de rotation deviennent alors plus explicables. On estime que les courants induits, électriques, parcourant la surface du noyau donnent naissance au magnétisme terrestre, quel que soit le premier mécanisme qui le régit, il est, sans aucun doute, lié d'une certaine façon à la révolution du globe, fait qui conduit inévitablement à une remarquable constatation sur le mouvement de la Terre autour de son axe. Selon Rincorn, cette remarquable constatation est que l'axe de rotation terrestre a également changé, ce qui revient à dire qu'en vacillant, la planète a déplacé ses pôles géographiques. Rincorn est l'un de ceux qui ont relevé les différentes positions occupées par le pôle nord géographique. Le problème suivant consistait à situer dans le temps le moment où le champ magnétique terrestre s'est inversé pour la dernière fois. Une étonnante découverte a permis d'apprendre que cet événement s'est produit au cours du premier millénaire avant notre ère, plus exactement, vers 800. Cela fut possible grâce aux mesures effectuées sur des poteries étrusques et grecques cuites au four. On sait, en effet, que les anciens les maintenaient en position verticale pendant leur cuisson. L'inclinaison magnétique des particules de fer contenues dans les coulées de vernis indique qu'elle était alors le pôle magnétique le plus proche. Dès 1896, Giuseppe Folger était entrepris une série de recherches sur les vases attiques et étrusques en commençant par ceux du 7e siècle avenue. J.C. Il en déduisit qu'à cette époque, le champ magnétique terrestre s'était inversé en Italie et en Grèce, ces deux pays se trouvaient plus près du pôle magnétique sud que de celui nord. En analysant une collection bavaroise de peaux remontant à la période dite d'Hallstatt, vers 1.0 avenue, J.C., ainsi que d'autres appartenant à l'âge de bronze occidental trouvés dans les grottes voisines du lac de Neuchâtel, le Genevois Mercanton s'aperçut qu'aux environs du 10e siècle avant notre ère, la direction du champ magnétique différait très peu de la norme actuelle. Pourtant, les poteries qu'il venait d'étudier étaient antérieures aux vases grecs et étrusques sur lesquels avait travaillé Folger. Mais ayant vérifié la méthode et les résultats de celui-ci, Mercanton les trouva parfaits. Forel découvrit à Boiron de Morges sur le lac de Genève un vase brisé dont les fragments avaient été dispersés. Quand on les rassembla, ils montrèrent tous la même orientation magnétique, ce qui prouve encore que le champ terrestre n'a pas pu changer celle acquise par l'argile lors de sa cuisson et de son refroidissement. Ces recherches poussées ont fait l'objet d'une série d'articles publiés à Lausanne par le professeur Mercanton, du service météorologique universitaire suisse. Il démontre que le champ magnétique terrestre, qui était très peu différent de ce qu'il est aujourd'hui, fut perturbé pendant le 8e siècle avenue. J.C. ou immédiatement après, au point d'être complètement inversé. Ces époques ont donc connu les grands bouleversements cosmiques décrits dans Monde en collision, 22. Pendant l'un de ces cataclysmes, le parcours solaire sembla s'inverser, et donna l'impression qu'un dérangement du mouvement terrestre venait de se produire. Volcans, tremblements de terre, comètes, l'océan Pacifique est littéralement ceinturé d'une longue chaîne de volcans. Faisons un rapide tour de piste dans le sens contraire des aiguilles d'une montre en commençant côté Amérique du Sud, les Andes, qui s'étendent sur toute la côte ouest de ce continent, sont sommés de nombreux sommets volcaniques parmi les plus hauts du monde, le Cotopaxi culmine à quelques 5900 mètres. Les Andes n'ont atteint leur altitude actuelle que depuis l'époque de l'homme moderne. Du magma s'est introduit sous les rochers et les a surélevés, puis, partout où il a réussi à se frayer un passage vers la surface, il a jailli par les fentes du sol et a formé des cratères maintenant éteints. L'Amérique centrale est truffée de volcans éteints ou inactifs, le plus élevé, au Mexique, s'est manifesté il y a 3 siècles. Ils sont rares aux États-Unis mais n'ont cessé toute activité que depuis peu, géologiquement parlant. Côté nord, le Pacifique est entouré d'un arc de cercle volcanique qui part de l'Alaska et passe par la péninsule du Kamtchatka, les îles Kouriles et les Aléoutiennes. Côté asiatique, l'archipel du Japon en contient des dizaines, la plupart se sont éteints récemment. Fin du tour de piste, ils pullulent sur les îles volcano bien nommées, sud-est du Japon, à Taïwan, aux Philippines, sur les dés de la Sonde, sud-ouest d'Indonésie, et sur les Moluques, archipel dans l'est de l'Indonésie. Beaucoup y étaient encore actifs il y a peu de temps. Enfin, cerise sur le gâteau, au beau milieu de l'océan Pacifique, les îles Sandwich ou Hawaii, elles en comptent 15, tous éteints ou en sommeil, sauf Mauna Loa et Kilauea, deux des plus grands volcans sur Terre. Comment ce cône de 4.0 mètres a-t-il surgi du fond de la mer profonde? Lors de l'éruption du Mauna Loa en 1855, la lave, plus rapide qu'un cheval au galop, coula sur le sol à la vitesse de 65 km/h. Lorsqu'en 1883, explosa l'île de Krakatoa, détroit de la Sonde, il en jaillit une colonne de pierres ponces et de cendres hautes de 27 km, des vagues hautes de 30 mètres, transportèrent des bateaux à vapeur à plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres. Les effets sur la marée se firent sentir sur la côte, et de l'Afrique et la côte ouest de l'Amérique, jusqu'à l'Alaska, le bruit de la détonation s'entendit à Ceylan, aux Philippines et même au Japon, pourtant éloigné de 5000 km, ce qui équivaut à une explosion produite à Londres et perçue à New York. Et l'éruption d'une des quatre cimes du Bandai au Japon en 1888, dispersa près de 3 milliards de tonnes de matière. Mais ces manifestations tardives, ne sont que des jeux d'enfants en comparaison des forces qui, dans le passé, contribuèrent à l'érection des Andes, creusèrent les 650 000 km² de l'immense région du Deccan, la péninsule d'Inde, pour la faire ensuite disparaître sous des centaines de mètres de lave, dressèrent les digues de lave à travers l'Afrique. Du sud, en étalèrent sur le plateau de Columbia aux États-Unis, et en tapissèrent le fond du Pacifique. Moritz, Arabien, Studien sur Physicalisch en Historisch en Géographie des Landes, page 12. L'océan Indien n'est pas en reste, de Java, il plaine de volcans de tout ordre, jusqu'au Kilimanjaro, volcan éteint mais qui domine l'Afrique de l'Ouest avec ses 5800 mètres, l'océan Indien est entouré de volcans, son fond constitué de lave, son centre parsemé d'îles volcaniques. Une chaîne de cratères inactifs longe le littoral arabique de la mer Rouge, leurs dernières éruptions remontent à quelques centaines d'années, celle de Kilu, Syrie du Nord, à 1222, celle d'Eden, à 1 253 334. Dans la région méditerranéenne, Terra, Santorin, est encore actif ou en sommeil, il y eut une éruption d'une force inhabituelle vers 1500 avenue. J.C. L'Etna en Sicile, le Stromboli et le Vulcano aux îles Liennes sont en activité. En revanche, le continent européen ne compte plus qu'un seul volcan actif, le Vésuve. Dans le passé, la France et les îles britanniques ont connu une activité volcanique intensée, bien que généralement datée à l'époque tertiaire, certaines coulées de lave, comme les cratères d'Auvergne, présentent un tel état de fraîcheur, que leurs dernières éruptions semblent remonter à quelques générations seulement, nous dit Sir Archibald Jecky. Dans l'Atlantique Nord, l'Islande ne compte pas moins de 107 volcans principaux et, des milliers de cratères, petits et grands, aucun n'est vraiment très ancien mais la plupart sont éteints. L'île est aussi couverte de laves coagulées et de fissures. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est une des rares régions où l'on a pu voir pendant les temps modernes la lave sortir du sol, justement par ces fissures, sans qu'il y ait formation de cratères. En descendant vers le sud, on rencontre les îles volcaniques que sont les Açores, les Canaries, l'archipel du Cap-Vert, Ascension et Sainte-Hélène dont certaines ont jailli du fond de l'océan, elles se sont assagies, comme la plupart des nombreux volcans connus du fond de l'Atlantique. En Patagonie, les coulées de lave étaient assez fréquentes encore récemment, la plus grande partie des terres comprises entre les Andes et l'Atlantique en est couverte. En tout sur Terre, le nombre des volcans actifs ou en sommeil est évalué à environ 400, 500, contre une foule d'autres éteints. Pourtant, il y a 5 ou 6 siècles, beaucoup étaient en effervescence, ce qui permet d'imaginer l'importance de leur activité à une époque séparée de la nôtre, par quelques millénaires seulement. Compte tenu des taux d'extinction observés par l'homme moderne, ceux qui ne sont pas encore éteints le seront d'ici quelques siècles. On suppose que les mouvements et les fractures de l'écorce externe terrestre favorisent les éruptions volcaniques, mais on ne connaît pas le processus qui a produit ces mouvements, problème qui est loin d'être résolu. Cependant, on peut noter une certaine coïncidence de lieu et de temps entre les plissements des montagnes et les formations des volcans, facteur important pour expliquer l'origine de ces derniers. Eusues, de Fassoff et Hart, 1904, 1, page 17, 18. Ostruve, note sur De Planet, Terre Origin and Development, Parachuret, dans Scientifique Américaine, août 1952. Toute la surface de la Lune est couverte de mer de lave et de cratères. Quiconque l'a observé ne serait-ce qu'avec un télescope peu puissant, n'est pas prêt d'oublier cette vision d'une immense catastrophe, un flot de lave en fusion qui a englouti et effacé sur son passage les cratères et les cimes de ces montagnes. Que ces cicatrices, ces cratères dont certains ont plus de 240 km de diamètre, résultent de l'impact d'énormes météorites, ou qu'elles soient les bouches de ces volcans éteints, ou encore, comme je l'ai écrit dans Monde en collision, qu'elle soit le résultat d'une activité bouillonnante de la surface lunaire en fusion, la face visible de la Lune prouve sans conteste possible qu'elle a participé à des événements catastrophiques de dimension planétaire. La théorie de l'uniformité ne peut s'enseigner que par des nuits sans Lune. De même, si l'on en juge par leurs effets, les secousses sismiques d'autrefois ont dû revêtir une importance considérable. Les tremblements de terre actuels écrits et du Arsues dans Dasentliederherde, la surface de la Terre, ne sont à vrai dire que les timides imitations des mouvements telluriques révélés par la structure de presque toutes les grandes chaînes de montagnes, structure qui indique des cataclysmes épisodiques d'une violence si indescriptible et irrésistible que l'imagination refuse de suivre la raison. Suez estimait que la formation des montagnes avait déjà pris fin quand l'homme est apparu, mais nous savons aujourd'hui qu'elle s'est prolongée jusqu'à une époque récente, Par conséquent, l'homme a dû certainement assister aux grands séismes qui ont ébranlé notre planète. Quand les Andes s'élevèrent en Amérique du Sud, d'après ce qu'en dit R.T. Chamberlain, des centaines ou même des milliers de kilomètres de la masse terrestre, presque instantanément projetée vers le ciel, produisirent un violent tremblement de terre qui se répercuta dans le monde entier. Parmi les séismes qui ébranlèrent notre planète, beaucoup ont dû être des sous-produits de l'élévation de ces sierras. C'est, rappelons-le, à l'époque de l'homme qu'elles ont atteint leur hauteur actuelle. Si l'on accorde crédit aux chroniques de l'Ancien Orient, et à celles de la période classique concernant l'historique des tremblements de terre, leur nombre a de quoi surprendre. Pour ne citer qu'elles, les tablettes babyloniennes conservées à la bibliothèque de Ninive, où les découvrit Sir Henry Layard, comme certaines annales romaines, sont édifiantes. En une seule année, 217 avant J.C., elles en signalent 57 à Rome même, au moment des guerres puniques. Tout cela montre bien que la force et la fréquence de l'activité sismique est brusquement diminuée, mais cela indique aussi qu'une ou des tensions ont eu lieu récemment. Les tremblements de terre ne sont en fait que des réajustements de la strate terrestre, ils atténuent la tension qui s'exerce sur cette couche géologique. Une théorie, celle d'Alexis Perret, largement divulguée par les manuels scolaires, rattache les séismes actuels à la position du corps céleste le plus proche de nous, c'est-à-dire la Lune. Ils sont plus fréquents quand elle est pleine, quand elle est nouvelle, quand elle croise le méridien d'une localité, et quand elle passe au plus près de la Terre. Hormis le dernier cas, les éphémérides du siècle dernier semblent corroborer cette théorie. Si elle est exacte, c'est dans la sphère céleste qu'il faut chercher les tensions que les séismes atténuent, et plus nous sommes éloignés, dans le temps, des tensions, moins nombreux et violents sont les séismes. Enfin, la courbe statistique d'un troisième phénomène naturel tend à décroître. Le nombre des comètes répertoriées depuis la Renaissance ne représente qu'une infime partie de celles qui furent observées pendant un laps de temps comparable. Alors que de nos jours on en décèle guère plus de 3 par siècle dans l'hémisphère nord sans recourir à l'emploi d'un télescope, il est certain que sous la Rome antique, voilà 1900 ans, ces corps célestes étaient si courants qu'on les associait aux faits politiques tels que l'avènement d'un empereur, à ses victoires ou à sa mort. On en voyait souvent plus d'une à la fois, certaines étaient spectaculaires et brillaient même en plein jour. Quand elle s'approche du soleil, une comète émet une traîne de gaz et de poussière, on pense que toute cette matière ne devrait pas retourner vers la tête. Celle d'Allaire réapparaît tous les 66 ans, elle aurait par conséquent formé et perdu sa queue environ 40 millions de fois en fonction de l'âge du système solaire, l'âge qui lui est ordinairement attribué, une perte aussi souvent répétée, aurait depuis longtemps réduit son corps à néant. Dans les temps modernes, plusieurs comètes de courte période, voire qui reviennent plus souvent que l'allaient, ne se sont pas présentées au rendez-vous prévu et ont disparu. Le nombre de celles appartenant au système solaire décroît de plus en plus. Selon une hypothèse formulée par Swin, et citée par H. Peterson, les météorites doivent être des phénomènes célestes relativement récents, cantonnés aux 25 000 dernières années, absents pendant les millions d'années précédentes. La diminution rapide de la luminosité des comètes périodiques indique que le ciel a connu une activité inhabituelle au cours du passé géologique récent. D'après les estimations prudentes de l'astronome russe SKVSE H. Viatsky, 1953, cette activité eut lieu il y a seulement quelques millénaires. On considère généralement que l'activité volcanique est liée aux secousses sismiques, que les secousses sismiques sont une réaction à une tension née qu'à son tour, la tension est due à des forces extérieures à la Terre. Or, ces trois phénomènes naturels sont en régression.